Cependant, John venait d'apercevoir trois pirogues qui débouchaient de la pointe Lotine dans l'évident intention de lui appuyer la chasse. « en mer » s'écria-t-il, « et plutôt nous abîmer dans les flots !» La pirogue, enlevée par ses quatre rameurs, reprit le large. Mais les trois autres pirogues gagnèrent sensiblement sur eux. Tout à coup, « un navire !» s'écria Glenarvan. « Mes amis, un navire !» Les fugitifs déployèrent une nouvelle énergie, et pendant une demi-heure encore, conservant leur distance, ils enlevèrent la pirogue à leur coup précipité. Le steamer devenait de plus en plus visible. « Le Duncan !» s'écria Glenarvan. « Le Duncan et les convicts !»« Oui, la mort des deux côtés !» murmura Glenarvan, brisé par tant d'angoisse. Cependant, la pirogue était abandonnée à elle-même. Où la diriger, ou fuir? Était-il possible de choisir entre les sauvages ou les convicts? John Mangles, fou de désespoir, saisit sa hache. Il allait s'aborder la pirogue, la submerger avec ses infortunés compagnons, quand un cri de Robert l'arrêta. « Tom Austin! Tom Austin !» disait l'enfant. « Il est à bord, je le vois. Il nous a reconnus. Il agit sans chapeau. » La hache resta suspendue au bras de John. Un boulet siffla sur sa tête et vint couper en deux la plus rapprochée des trois pirogues, tandis qu'un hurrah éclatait à bord du Duncan. Les sauvages épouvantés fuyaient et regagnaient la côte. « à nous, Tom !» avait crié John Mangles d'une voix éclatante. Et quelques instants après, les deux fugitifs, sans savoir comment, sans y rien comprendre, étaient tous en sûreté à bord du Duncan.